Yeah, yeah. Pour tous mes frères et mes sœurs. Hey, yeah, yeah. Oh, oh, monde hypocrite. Yeah, yeah, notre système en France. Les familles dans la rue. Et ce n'est pas terminé. On te parle de France d'en bas. Qui sont-ils pour parler ainsi? On te parle de France d'en bas. Yeah man, qu'ils entendent nos mots. On se demande à quoi riment tous nos vies. Quand tu n'es même pas sûr qu'après c'est le paradis. Ici tout n'est pas rose mais plutôt tout est gris. Pas de quoi se plaindre vu qu'il y a pire qu'ici. Mais pas le temps de changer de rive aussi. De square, de banc, tu n'es pas libre ici. Tout est déjà là, tout est déjà écrit. Comme un rôle secondaire dans une comédie. Mais l'âtre se transforme en pure tragédie. Car vraiment plus la force de tenir aussi. Face au rythme forcé qu'on t'impose ici. Un coup c'est l'autre, un coup c'est ton ami. Qui se voit touché un jour par la maladie. La crise, l'accident, bien la mort aussi. Dur de trouver le sommeil au fond de ton lit. Une nouvelle journée et c'est reparti. On voit passer le temps mais pas ses soucis. On voit passer les gens puis on les oublie. Les sirènes sifflent en plein milieu de la nuit. Qu'a-t-on fait de nos rêves, de nos enfants chéris? Ça squatte les halls comme le shit aussi. Et la police veille pour le fric aussi. Un frère se fait coincer pour un petit délit. Le maire se paie une promenade à deux pas d'ici. Marre de voir les mêmes têtes tristes aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul dans ce couloir infini. Je check sur mon chemin ce qu'ils appellent bandits. Chercher la belle amour et leur crime d'aujourd'hui. Doit-on accepter des lois qui nous gouvernent ainsi? Si tu es de là-bas, c'est que tu n'es pas d'ici. Le chétan rôde et pas que dans la Tessie. Ton boulot c'est le même, faut saigner dans la vie. Aurais-je assez de sang pour vivre des décennies? Certains sont partis si vite, est-ce que tu saisis? Yo. Seul à ta fenêtre, tu demandes à Dieu un répit. Seul à ta fenêtre, seul à ta fenêtre. Mais gare ici c'est l'enfer et pas le paradis. Pas le paradis, non. Seul à ta fenêtre, tu demandes à Dieu un répit. Seul à ta fenêtre, seul à ta fenêtre. Mais gare ici c'est l'enfer et pas le paradis. Yo, yo, y a peu de gens en haut et beaucoup de monde ici. Pas assez de place pour tous, on veut se casser d'ici. Ça c'est ce qu'ils racontent, tout ça c'est des conneries. Le temps a passé depuis les colonies. Pas de merci, de revoir ou même un CDI. Ou bien une médaille pour être loin de sa patrie. Menotté à Boumadi, j'ai mon fils ici. Le capitaine s'en fout et son occupe au sud. Le tribunal prétend suivre la justice amie. Se pose en défenseur mais n'attaque pas l'ennemi. Dur de marquer des buts si l'argent t'alourdit. C'est ce qui se passe dans mon pays, je te dois de lire aussi. Que tout est à vendre et la vérité salie. Que la parole est nulle et la vie anéantie. Un père frappe son enfant, sa mère est loin de lui. Parce qu'il a la garde, l'argent se croit tout permis. À tous les niveaux, le système est compromis. Ferme les yeux sur les pleurs comme c'est pas permis. Comme cette famille qu'on expulse, on lui a tout pris. Jusqu'à 4 mois de retard à la banque, un crédit. Un voisin facho qui l'est réveillé la nuit. Des administrations qui ferment l'après-midi. Si tu ne suis pas ton dossier, ils peuvent le perdre aussi. Mais une pièce pour le parking man, c'est pas gratuit. Une file d'attente, un ticket dès que le soleil luit. J'ai vu un jeune si seul qu'il est mort seul chez lui. Une mère mourir seule, son mac la droguée aussi. Mon pote Bertrand dormir à moins 10 la nuit. Une femme laissée seule sa gosse à chaque sortie. Personne à qui parler dans un immeuble pourri. Quand tu as des problèmes, l'horizon se rétrécit. Ta vision se broue, tu réfléchis plus, tu cries. Le suicide sonne à ta porte, tu lui souris. La France d'en bas, tu la vis plus, tu la maudis. Yo. Seul à ta fenêtre, tu demandes à Dieu un répit. C'est pour tous les jeunes qui sont là. Tous les frères et sœurs qui traînent. Pour toutes les familles qui vivent ça. Et tous les gens enfermés. Pour tous les enfants d'Africa. Yémen, de tous les horizons. Pour toutes les cités d'ici bas. Tous ceux qui saignent dans ce système. Seul à ta fenêtre, tu demandes à Dieu un répit. Seul à ta fenêtre, seul à ta fenêtre. Mais gare ici c'est l'enfer et pas le paradis. Pas le paradis, non. Seul à ta fenêtre, tu demandes à Dieu un répit. Seul à ta fenêtre, seul à ta fenêtre. Mais gare ici c'est l'enfer et pas le paradis. C'est pas le paradis.